Un monde où les gosses trahissent, ça est. Tout le monde court après le cash, fait que les mains salées. C'est loin d'être un monde magique comme celui d'Alice. L'histoire est plus triste, y'a beaucoup de fake dans les coulées. J'suis loin d'une recrue, mon nom c'est pas Yann Hollis. La police nous provoque, ils se prennent tous pour Bruce Willis. Une main sur le volant, une pour la King Can. Et y'a plus d'âge pour commencer la cam. Les dames s'écartent les cuisses pour un peu de coco. Pour une coupe de pièces, mets de la maillot sur ton pogo. Pocheuse dans les grandes mains, dans les milieux ruraux. Les gosses sont prêts à risquer pas mal gros pour leur ego. On connecte des mots comme des Lego. Parle dans un micro, défend son territoire et s'ils font, on sort les crocs. C'est plein d'escrocs, de voleurs, d'arnaqueurs, de braqueurs, de dealers, de bagarreurs. Et même de toi, tu peux faire confiance à personne. C'est souvent ceux qui checkent ton bac qui finissent par te back, t'amantes les omoplates. C'est la réalité devenue banalité. Check ton journal, section actualité, brutalité. Les gosses pensent d'un menace pour la société. La vie c'est pas un film, ils veulent du blé mais jamais travailler. C'est fucké, les drogues se troquent et les jeunes sont bloqués. Les parents comprennent pas, sont comme bokeh. Elles rompt avec une suspension basse, ça prend son premier plan, même avant l'argent pour le corps. Les priorités ont changé, je dirais même dérangé. Les divergences d'opinions finissent en bataille rangée. C'est dans ce monde-là qu'on a grandi. C'est loin d'être l'idéal qui est tendu. La moitié de mes chums sont devenus bandits. Affamés comme des vautours autour d'une carcasse. Sont tannés d'attendre leur tour, fait qu'ils te frisent ta place. Bienvenue chez nous, dans mon monde. C'est comme un régiment sans aucun règlement. Discrètement les comptes se règlent à la régulière. Certains, et pour d'autres par derrière. On a tous des gros, celui qui a pas la rage il ment. Et puis volontairement ou non, tu finiras par céder à la tentation. Ça garçon, tu veuilles ou non, un seul roi sur cette sphère, c'est le pognon. Plus d'entraide sur la terre, mêle-toi des oignons. Les sourires viennent seulement quand les concurrences plantent. Ou bien parce qu'ils t'ont fait ta fête et qu'ils étaient 30. Le rap, c'est loin d'être un pique-nique. Chaque fois qu'on sort un track, on prend un gros risque. Qui peut savoir comment réagira le public? Ce sera apprécié ou sujet à la critique? Est-ce que j'aurai un gros tas de fric? Est-ce que l'effet sera magique? Sans personne pour s'en prendre à ma zique? Ou bien, au contraire, c'est voué à l'échec? On n'entendra jamais mon son tourner en discothèque. C'est quoi ce bordel? Rien, mais vraiment rien ne se passe comme prévu. En plus, avec tout ce qu'on fume, tout est confus. J'en sais bien, depuis longtemps on en chie. Ça tombe bien, ça fait monter les enchères. Dans la musique, aucune règle, c'est l'anarchie. Un pas en avant, c'est comme 10 en arrière. Quand tu sors un morceau, tout ne fait que commencer. Si tu fais partie du milieu, tu sais comment c'est. Commencer. Un jour tu grimpes, sans crainte de te ramasser. Le lendemain tu te plantes, tout est à recommencer. Si tu veux faire carrière, ce sont des questions à te poser. Pas de retour en arrière, une fois qu'on a osé. Prends bien le temps d'y penser, à tête reposée. Et tu sauras rapidement si tu pourras ou pas poser. Moi, j'ai tout mon temps, tout mon temps. Pour ça je me presse pas, on me dit dépêche-toi. Mais moi ça me stresse un pas. Un morceau ici ou là, pour répondre à la demande. C'est bien meilleur quand tu sais qu'ils attendent.